Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous invite à écouter Monsieur Beaucaire, opérette romantique en trois actes d'André Rivoire et Pierre Weber, d'après la nouvelle de Booth Tarkington, musique d'André Messager. En voici la distribution, Monsieur Beaucaire, Jacques Janssen, Lady Mary Carlyle, Lina Dachary, Lady Lucie, Christiane Jacquin, Sir Philippe Molineux, Bernard Alvy, le duc de Winterset, Dominique Tirmont, Nash, Jacques Pruvot, le capitaine Badger, Lucien Huberti, Tom Brake, Gaston Ray, Raquel, René Lenotti, Bantison, Michel Fauchet, le duc de Mirepoix, André Balbon, François, Géniaud. Réalisation et mise en onde musicale, Lucien Duchemin. Collaboration artistique, Georges Foy. Le texte de présentation est de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Claire. Les solistes, l'orchestre lyrique de la radiodiffusion télévision française et les chœurs sont placés sous la direction de Jean. Au printemps de l'année 1750, il est de bon ton, pour la haute société britannique, de quitter la ville et le château et d'aller passer la saison à Bath. C'est la ville d'eau la plus fréquentée d'Angleterre. Aussi, M. Beaucaire est-il venu s'y installer. Qui est M. Beaucaire ? Un Français. Un homme jeune, distingué et de belle prestance. Son appartement privé est richement installé. La salle principale, visiblement destinée à la réception, est meublée au goût du jour, avec parmi les sièges, les bibliothèques et les commodes, une vaste table de jeu. Monsieur Beaucaire reçoit actuellement Sir Philippe Molineux, un jeune aristocrate sympathique et charmant, dont l'amitié se montre vigilante, dévouée, avec une nuance de... Mon cher grand ami, avant qu'il ne soit trop tard, souffrez que je vous supplie... De quoi ? De retourner à Paris. Jamais. Vous savez ce qui m'attend à Paris. Mille grâces, vraiment. Croyez-vous que le roi s'opposerait... Chut. Je veux ignorer mon gracieux souverain. Rappelez-vous que je suis Monsieur Beaucaire, venu en Angleterre pour faire fortune en qualité de barbier. Barbier, vous ? Parfaitement, et perruqué à la mode. Attaché à la personne de son Excellence, Monsieur le Marquis de Mirepoix, ambassadeur de France auprès de la Grande-Bretagne. Et ça vous plaît ? Infiniment. Monsieur le Marquis de Mirepoix, mon noble maître, m'a permis de quitter Londres et de passer ici la saison où je poudre toute la gentry. J'ai de fort belles relations. Si elle savait. Mais il ne faut pas qu'elle sache. Ah, mon cher ami, je m'amuse follement. Et on n'a rien de caché pour cet excellent Beaucaire, qui n'a pas son pareil pour vous dresser une perruque à la française. Et c'est ça qui me retient ici. Ça ? Et surtout votre tendre pour Lady Mary Carlyle. Eh bien, n'est-elle pas la plus belle ? Hélas, elle est de marbre, vous dis-je. Soit, mais... Quel beau marbre! Vous ne lui avez jamais adressé la parole. Hélas, mais je lui parlerai ce soir au bal de Lady Rolleston. Si vous allez ce soir au bal de Lady Rolleston, on découvrira sûrement qui vous êtes. Je veux dire le barbier que vous prétendez être. Et que l'autre soir, à la maison des Jeux, on a chassé de la grande salle où vous vous étiez glissé. Je n'en irai pas moins ce soir au bal. Et comment? En qualité d'ami de Monsieur le Duc de Winterset. Winterset, allons. Mais pour de l'argent que ne ferait pas Winterset, pour de l'argent, il serait capable d'être honnête. Encore une fois, je vous en conjure, n'allez pas à ce bal. Que si. On vous reconnaîtra. Que non. Mais pourquoi allez-vous là? Lady Mary. Mais cet amour, c'est un rêve insensé. Mais c'est un songe magnifique, mon cher ami. Je rêve de sauver une dame merveilleuse que menace le dragon Winterset. Dans le vaste jardin du monde, il n'est pas de rose semblable. Et Winterset, entendez-vous, cette limace, ose ramper vers cette pure fleur? Eh bien non, je l'écraserai plutôt. Mais il ne souillera pas, j'en fais le serment, un seul pétale, un seul de la rose merveilleuse. Au jardin où les fleurs sont écloses, n'existe pour moi qu'une rose entre toutes les roses. Hier et sans émoi, le désir au hasard cueillant gerbe les fleurs d'alentour. Mais ma rose adorable et superbe, seule attend l'amour. Ô rose merveilleux butin, ton charme est sans pareil. Ô rose dans le frais matin, ouvrant ton cœur merveilleux. Depuis, qu'importe tes preuves ou périls, à force d'amour, peut-être un jour. Ô rose fleur d'amour. Ta beauté tient mon âme à servir. S'il faut, je suis prêt. Fleur de pourpre et d'orgueil, prends ma vie. À toi sans regret, prends mon sang, tout mon sang, goutte à goutte. Ô ma rouge fleur, je mourrai trop heureux si l'ajoute du rouge à ton. Ton charme est sans pareil. Ô rose dans le frais matin, ouvrant ton cœur merveilleux. Tu m'as paru par un clair avril. Depuis, qu'importe tes preuves ou périls, à force d'amour, peut-être un jour. Ô rose fleur d'amour. Cette ravissante et fière Lady Mary Carlyle a des adorateurs par douzaines. Trois d'entre eux, Rachel, Bentison et Tom Brake, bien qu'appartenant à la plus haute noblesse, viennent souvent chez le barbier Beaucaire pour y faire quelques parties de cartes, car le français, le cas échéant, sait perdre avec le sourire. Mais le plus enragé des joueurs est ce duc de Winterset, soupirant attitré de Lady Mary, dont Beaucaire parlait avec tant de mépris. C'est que Winterset est un dévoyé qui, par exemple, triche au jeu. Beaucaire s'en est aperçu et va utiliser cette faiblesse pour avoir le duc à sa merci. Il prie Sir Philip Molineux de se tenir caché dans l'embrasure d'une fenêtre, il dissimule également quatre de ses valets et, dès l'arrivée de Winterset, accepte de lui servir d'adversaire dans une partie de cartes. Mais au moment où le duc opportunément sort un as de sa manchette, il saisit son bras, faisant ainsi tomber trois as encore sur la table. Winterset, démasqué, veut se ruer. Marot ! Doucement, je vous prie. Au risque de me salir, je vais t'étrangler. Vous auriez tort. Veuillez, je vous prie, regarder derrière vous. Vous n'aviez qu'un as, j'ai quatre valets. Quel beau jeu ! Un petit guet-apens. Soit. Mais personne, là-bas, personne, entendez-vous ? Ne voudra croire sur la parole d'un Beaucaire que je... Que vous ? Que je... Enfin... Que monsieur le duc n'a d'honneur que dans sa manchette et qu'il triche. Oh, coquin, faquin, laquais de coupe-gorge. Ah, monsieur le duc me comble. Monsieur le duc me nomme à tous les emplois de sa maison. Oh, par la mordieu, j'en veux courir la chance. La parole d'un barbier et des laquais pour témoins. Vous m'oubliez, monsieur de Winterset. Sir Philip Molineux. C'est bien. Je paierai. C'est combien ? Quoi ? Votre prix, morbleu. Votre prix. Ah, de l'argent, fi donc. Non, monsieur le duc, pas un seul. Mais seulement sous votre haut patronage, mes entrées partout. Que voulez-vous dire? Tenez, ce soir même, nous irons ensemble, vous, monsieur le duc de Winterset, et moi, simple maraud, au bal de Lady Rolleston. Ça, jamais. Si, et vous me présenterez à Lady Mary Carlyle. Lady Mary, vous? Un barbe. Après quoi, dûment présenté, je vous donne ma parole que jamais je ne soufflerai mot de la petite mésaventure. Non, vous êtes fou. Vous ne serez pas au bal depuis 5 minutes que l'on vous jettera dehors. Lady Mary serait la première à vous reconnaître. Elle était là, près de vous, quand on vous a chassé de la grande salle. Je sais, monsieur, je ne l'ai pas oublié. En admettant que je vous ai présenté, pensez-vous que pour tout autant la société de Bath recevrait un barbier? Mais je ne suis plus barbier. Mais non, dans un instant, coup de théâtre. J'assassine mes pauvres moustaches, je me coiffe à la dernière mode et personne, je dis personne, ne pourra me reconnaître. Je demande à monsieur de me présenter ce soir. Après, je n'aurai plus besoin de monsieur. Molineux, vous me donnez votre parole que si je me prête ce soir à la damnée fantaisie de cet homme, votre bouche sera close. Ce gentleman et moi n'avons qu'une parole. J'en réponds. C'est bien. Monsieur consent. Oh, mille grâces. À dater de ce jour, me voici gentilhomme. D'un coup suprême de son rasoir, le barbier s'est tranché la gorge de profondis, adieu Beaucaire. Mais que vais-je être, au fait? Chevalier? Peu. Comte, vicomte? Insuffisant. Marquis? Ah, c'est déjà mieux. Et puis non. Non, par un juste égard pour le rang de monsieur, je veux être duc, moi aussi. Et pourquoi pas? Tenez, je serai le duc de Châteaurien. Un nom modeste. Salut, chers confrères, nous sommes bien d'accord. Soit c'est des faux antiquaires, j'authentiquerai Beaucaire, je vous fais duc français. Ma dette est grande, je le sais. Non, de dette il n'en est qu'une, j'ai perdu, mais sans rancune, je m'acquitterai ce soir. Je resterai pour te voir. Beaucaire, mon cher, craignez de payer bien cher. Beaucaire, mon cher, le bal peut vous coûter cher. Adviendra, mes amis. C'est promis, tant pis, tant mieux, bien ou mal. Mais j'irai ce soir au bal. Oui, j'irai ce soir au bal. Beaucaire, mon cher, craignez de payer bien cher. Beaucaire, mon cher, le bal peut coûter cher. Tant pis, tant mieux, bien ou mal. Mais j'irai ce soir au bal. J'irai ce soir au bal. J'irai ce soir au bal. Ce soir au bal. Au diable peigne et brosse, sur son trône en son carrosse, le roi n'est pas mon cousin. Le sol du trône est voisin. Bah, viens au bout la culbute, il n'importe à qui débute, par l'amour et la gaieté, vous l'aurez bien mérité. Beaucaire, mon cher, il peut vous en coûter cher. Beaucaire, mon cher, il peut vous en coûter cher. Rassurez votre émoi, vous savez avec moi, tout peut toujours tourner mal, mais j'irai ce soir au bal, oui j'irai ce soir au bal. Beaucaire, mon cher, vous risquez de payer cher. Beaucaire, mon cher, vous avez fait cher, tout peut toujours tourner mal, mais j'irai ce soir au bal, oui j'irai ce soir au bal, oui j'irai ce soir au bal, ce soir, ce soir au bal. Le soir est maintenant venu et nous sommes au bal de Lady Rolleston. La décoration des salons est somptueuse, ladies et gentlemen rivalisent d'élégance, la réception brille de tous ses feux. C'est que Sir Richard Nash, celui que depuis 30 ans on appelle le beau Nash, et qui depuis 30 ans est maître des cérémonies de Bath, a su imposer aux hommes le bas de soie et le soulier découvert, aux femmes le grand décolleté, à tous le raffinement dans l'élégance. Il sera là bientôt et aussi Philippe Molineux et son flirt habituel, la très jolie et malicieuse Lady Lucy et Tom Brake et Van Tyson et Rachel. Mais en les attendant, écoutons les propos coquets et galants qui s'échangent entre jolies femmes et Thank you. bas, Sa Majesté le Bonache. Oh, chers, belles amies, oh, laissez-moi respirer, mes écrasantes fonctions me tueront. Mais je suis fier de voir ainsi réunis tant de beauté et tant de noblesse chez moi, modeste maître des cérémonies. On veut bien m'appeler le roi de Bas. Nash, allez-y du discours du trône. Le peuple applaudit d'avance. Tout ce que l'Angleterre compte de glorieux est ici. Belle dame, seigneur, homme d'État, poète, joueur, aigre-fin, escroc. Qu'est-ce que vous me faites dire, Bandison? Vos gracieuses seigneuries, dans quelques instants, déposeront leurs hommages aux pieds de leur reine, la reine de beauté, Lady Carlyle. Ma reine, à moi. Allons, Bantison, quittez cet air élégiaque, il vous convient comme une perruque à un hippopotame. Ne pensez-vous pas que sa grâce, le duc de Winterset, ait plus de chance que vous de gagner le cœur de Lady Mary? Oui, s'il la gagnait au jeu. Winterset, un besogneux, un sans le sou. Mais un grand nom. Sur un petit caractère. Il a de l'allure. Mon cheval aussi. Et il n'a pas de ventre. Oh, mon ventre, mon ventre. Mais morbleu, messieurs, le ventre est la plus noble partie de l'homme. Parce qu'elle équilibre les formes. Non, je ne crains pas, Winterset. Je garderai l'espoir jusqu'à mon dernier souffle. Compliment. À tout à l'heure. Venez, messieurs. Les invités ont suivi Nash dans d'autres salons. Raquel, qui allait sortir lui aussi, est interpellé par Philippe Molineux. Winterset est là. Non, mon cher Molineux, sa grâce se fait toujours désirer. Mais voici le tendre objet de vos soucis, l'exquise Lady Lucy. Entre nous, elle a l'air un peu courroucée, dirait-on. C'est vous déjà, mon cher. Vous n'avez qu'une heure de retard. Je fus retenu par des affaires de la plus haute importance. En est-il de plus importante que celle de notre rendez-vous? Oh, ils vont se chamailler. Je préfère m'en aller. Il est fort agréable, ce monsieur Rackle. Il me plaît tellement. Tant que ça. Plus que ça. Infiniment. Vraiment? C'est tout l'effet que ça vous fait. Vous aimez à plaire et je n'y puis rien. Que vous faites un hommage de moi, votre victime. Ce n'est qu'une richesse de plus. Inutile d'en parler. Mais Dieu me pardonne. Vous me faites une scène de jalousie? Non, je ne suis pas jaloux. Je suis furieux. De mieux en mieux. De la colère à présent. C'est que vous êtes pas trop coquette. Le moindre petit sucré se permet de vous chuchoter des fadeurs et vous l'écoutez. J'aime mieux ça que des reproches. Tenez, vous n'êtes plus ma Lucie. Vous êtes la Lucie de tout le monde. Merci. Pour me faire la cour, vous vous y prenez assez mal. Mais je souffre en attendant, je souffre. Ça ne me déplaît point. Mais ne le montrez pas trop. Ah, voici notre Lady Mary Carlyle avec tous les invités. Je comprends, ma foi, très bien, quand cet art je ne vaut rien, et j'y manque assurément de souplesse et d'agrément. Dites-moi que je suis belle comme Vénus ou si belle, en plus jeune et plus charmante, nous aimons que l'on nous mente. S'il vous faut des compliments, ce n'est pas là ma façon. Choisissez quelque autre amant, plus docile à la leçon. Séduisant, suffisant, complaisant. Oui, bien sûr, seulement, il se peut que monsieur plaise un peu. Un peu? Pour un peu. Ah, par pitié, c'est trop pour mon cœur. Votre cœur, faible vainqueur, que tout brise et tout brise en force, peut gagner un peu. Pour un peu, et de même il se peut, j'en fais l'aveu, nous aimons un peu, que peut-être un jour ce peu d'amour, il se peut, que ce peu-là grandisse un peu. On me trouve un peu jolie, vous vous mettez en folie, je vous préviens que le drame. Notre temps dans mon programme. Vous faites

et ça le dispensera de voyager. Merci du compliment. Madame, vous êtes une enchanteresse plus habile que Circé qui changea les hommes en animaux. Vous venez de changer les animaux en hommes. Vous me flattez vraiment, monsieur Tom Break. Tom Break vous bat sur le poteau. Trouvez mieux, Bantison. Madame, quand toutes les beautés seront fanées sur la terre, vous serez toujours resplendissante. Trop tard. Voici Winterset et nos étoiles pâlissent. Tiens, il ne paraît pas de... Garde l'île où règne sœur, en ces lieux plus qu'ailleurs charmantes, règnent les femmes et les fleurs. Adorables amantes, aux corsets, aux fronts bondins, leur sourire ébute toutes en le teint de la rose en fleurs du matin. Nos deux peuples sont unis, sauf quand ils sont ennemis, mais ils savent d'un même cœur adorer la reine au regard vainqueur. Distinguir d'un même cœur, anglaise ou française, au regard de vainqueur. tout on nous proclame des amants au cœur léger, mais l'amour parfois nous prend l'âme et dès lors finit de changer. D'une fervente flamme nous brûlons ainsi que vous, et cela serait faux qui serait jaloux d'un regard tombé jusqu'à nous. Nos deux peuples sont unis, sauf quand ils sont ennemis, mais ils savent d'un même cœur adorer la reine au regard vainqueur et servir d'un même cœur, anglaise ou française, au regard vainqueur. C'est un grand honneur pour nous, monsieur le duc, de saluer ici un gentilhomme français de si haute lignée. Permettez au maître des cérémonies de Basse de vous présenter ses souhaits de bienvenue. Vous me comblez, monsieur le maître des cérémonies. Vous m'êtes connu. Mais oui, je le connais, Winterset, c'est un client de ma maison. Je vous remercie en mon nom, ainsi qu'au nom de mon excellent ami Winterset. Non, vous. Sûrement, il est fort touché de l'accueil si courtois et si gracieux que l'on veut bien me faire ici. N'est-il pas vrai, cher Winterset? Profondément touché. Sa grâce paraît ravie. Oh, monsieur de Winterset, vous vous êtes fait attendre. Mais vous êtes pardonné, puisque vous nous amenez un ami précieux. Mon Dieu, un ami, c'est-à-dire... Me dites un frère, n'est-ce pas, cher Winterset? Les devoirs de ma charge me réclament. J'ai l'espoir, monsieur le duc, de revoir votre grâce dans la soirée. Mais bien sûr. Oh, mais voyez ma négligence. À vous écouter, j'oublie ma bonne tante. Si l'un de vous trois, messieurs, voulait bien avertir Lady Rollerstone que sa nièce est arrivée... Que ne puis-je me charger de ce soin, madame? Hélas, je suis étranger ici. Trooper Winterset, il connaît Lady Rollerstone, lui. Oh, monsieur de Winterset, que vous seriez aimable. Mais... Oh, je vous en prie. Dites-moi, Winterset l'a mise, triple ou double? Oh, drôle, tu me paieras tout cela. À vos ordres, madame. Cher Molineux, je vais vous confier un grand secret. Le ciel est plein d'étoiles, un croissant de lune argente la nuit, et Lady Lucie est bien seule là-bas sur la terrasse. Allez-y voir, pour voir. Mon ami, prenez garde. Vous êtes menacé. Allons donc, la vie est belle et je gagne mon paradis. Soyez prudent. À tout à l'heure. Là, les voilà tous partis. Comme je suis heureux que vous ayez de la sorte expédié... Oh. Non, congédié? Alors, disons, utilisé Winterset. Non. Monsieur de Winterset est très obligeant. C'est votre ami? Oui, mon ami mortel, pour le moment du moins. Ah, je suis furieux contre lui. Pourquoi? Mais c'est un imposteur. Il m'a dit que vous étiez très belle. Je ne vois pas. Que vous étiez le charme et la grâce en personne. Je ne vois pas davantage. Que vous étiez l'esprit, la finesse, que vous étiez orné des dons les plus rares, un être incomparable enfin. Oh, cela me suffit. Oh non, madame, c'est trop peu. Ce sont de fades éloges. Et j'en connais de plus beaux à vous dédier. Ah, si seulement vous vouliez m'écouter pendant une heure. Hélas, impossible. Je distribue avec ma tante les roses du menuet. L'Angleterre, jadis, se battit pour deux roses. Et moi, je me battrai pour une seule, celle qui orne votre corsage. Donnez-la, cette rose, aux pauvres suppliants, et dites ensuite au grand roi de la Grande-Bretagne d'envoyer contre moi pour la reconquérir toute son armée. Et alors? Alors, parbleu, je me sauverai, mais... avec la rose, et je serai pour la vie votre fidèle chevalier. Sérieusement? Je puis disposer de vous? Ah, je suis à vous corps et âme, cœur et âme. Eh bien voilà, vous irez tout à l'heure offrir votre bras pour la conduire au souper à la plus âgée de nos dames anglaises, la comtesse de Cranberry. Elle m'est très chère, et pour le bon exemple, j'aimerais, monsieur, de réunir ainsi devant tous l'extrême vieillesse et l'extrême jeunesse. La tâche est aisée, madame. Dans une demi-heure, je m'y engage. La comtesse de Cranberry entrera dans cette salle à mon bras. Et maintenant, monsieur, comme vous devant l'armée du roi, Je me sauve. Mais la rose, madame, la rose... Vous demandez une rose, mais les tâches qu'elle impose, saurez-vous les accomplir bravement et sans faiblir. Que l'instant la fleur soit mienne, dès ce soir que je l'obtienne, et sans plus rien m'accorder, vous n'avez qu'à commander. Bref, et moi, vos poussins. Non, pour moi, mon divin. Serment d'amour vend le vent, la fidèle attire d'elle. Cette rose que voilà, pour l'avoir méritée-la. Serment d'amour vend le vent, la fidèle attire d'elle. Mais au fond d'amour charmant et dans l'âme frivole, folle, folle, du serment de l'amour, folle, folle, folle, du serment de l'amour, folle, folle, folle, folle. Qu'avril enchante, le désir gazouille et chante dans les cœurs, dans les buissons. Vient l'orage, adieu chanson. Le désir fuit les jours sombres, mais croyez qu'en bas les ombres éteindraient l'éclat des cieux. Mon soleil lui dans vos yeux. Compliment trop flatteur, mais vraiment dans mon cœur. Serment d'amour vend le vent, la fidèle attire d'elle. Cette rose que voilà, pour l'avoir méritée-la. Serment d'amour vend le vent, la fidèle attire d'elle. Très haute l'amour, charmant, et dans l'âme frivole, folle, folle. Winterset, pendant ce temps, a mis dans son jeu le capitaine Badger, un matamore balourd et vantard, mais des plus redoutables à l'épée. À peine Beaucaire a-t-il pris congé de Lady Mary, que devant Molineux, assez inquiet, Winterset fait les... Chateaurien, je vous présente le capitaine Badger, qui désire se rencontrer avec vous. Trop heureux de connaître un vaillant soldat. Monsieur le duc, c'est une gageure que j'ai faite. Je voudrais savoir, moi, Badger, capitaine aux armées du roi, si les Français se fâchent quand on les insulte. C'est un guet-apens, Beaucaire. Pour Dieu, n'y tombez pas. Laissez, Molineux. Une question pleine d'intérêt. Évidemment, monsieur le capitaine, jamais avant ce soir, vous ne l'aviez posé à un gentilhomme français. Que voulez-vous dire ? Que si vous l'aviez posé, vous ne seriez pas... Par Dieu, monsieur, je suis anglais. Gagne pour l'Angleterre. Avec les Français, je me plais à parler sans mystère. Main d'entre eux connut à l'instant ce que j'avais à dire. Je suis sûr qu'en vous écoutant, tous ont dû beau courir. Plus d'un est mort de rire. Propos piquants et provoquants, c'est moins banal qu'un madrigal. Monsieur, je crois comprendre, je veux m'exterminer. Son aime de tout pour fendre n'est que pour badiner. Badger n'a rien d'un courtisan. Il parle en soldat, rions-en. D'accord avec vous sur ce point, d'offense il n'en est point. Vous trouvez point? Non, vraiment point, vraiment point, vraiment point. Messieurs, laissons là les Français, dissipons ce malaise. Soit faisons un autre procès, pour si peu qu'il vous plaise. La France a tous ses carrefours, nous tend l'amour sans cesse. On y peut cueillir tous les jours, ou bergère ou princesse. Quoi? Même des princesses? Monsieur le Français, cette fois, relèvera le gant, je crois. Et nous, même la reine peut faiblir comme ailleurs. Quand l'amour nous entraîne, son effet est meilleur. Mais nous n'aimons pas les railleurs. Pour rire insultant d'un fribon, ce n'est pas d'un mot qu'on répond. Mais... la souveraine honneur ! Il m'a outragé. Monsieur, pas d'esclandre ici. Monsieur, vous me rendrez raison de votre offense. Alors, monsieur, dépêchons-nous. Dans 20 minutes, je dois conduire une dame au souper. Elle risque fort d'y aller seule. Allons dans le jardin. Arrêtez, c'est impossible. Je dois... Moline, votre parole. Je vous avertis, Chateaurien. Le capitaine est la meilleure lame du royaume. Merci. Vous comptez me tuer, capitaine? J'en suis sûr. Bravo, j'adore les certitudes. Quelle heure avez-vous? Merci. Dans un quart d'heure à votre montre, la dame que je dois conduire au souper entrera dans cette salle à mon bras. Messieurs, je suis à vous. Que se passe-t-il, messieurs? Les dames s'inquiètent. On parle d'un duel? Le diable vous emporte avec vos affaires d'honneur. Ça jette un mauvais vernis sur la station. Voici les dames. Silence. La musique, vite. En place. Désolé. Qu'est devenu le duc? Vraiment, il nous oublie au bon moment. Madame, il vient d'être appelé. Il reviendra probablement. Mais j'aperçois. Eh bien. Du calme, qu'on ne sache rien. C'est le bal, un coup fatal, un cri affreux, cruel. Ce n'est pas un duel. C'est un duel. Un duel, non, une embuscade, un piège indignement tendu. Mais contre un roi de l'estocade, on est perdu. Pas perdu. Si c'est votre faute à vous. Harry, Molina, racontez-nous. Dès le signal, c'était fatal. Pour qui fatal? Mais pour Badger, oui, fatal. Il tâte, il coupe, il attaque, en carte entière s'il bondit, va bien prompt. Le fer de l'autre un instant s'écarte, il fonce et Badger en vain rond. Le temps d'un éclair est soudain touché, voilà tout de son long, Badger couché. Quoi bon, Badger? Il en a l'air. Un mois sur le flanc, ça n'est pas cher. Et lui le duc? Oui, dites-nous. Lui le duc, retournez-vous. Levez les yeux, voyez, messieurs, honneur au duc de Chateaurien. Honneur au duc de Chateaurien. pose. Ai-je gagné ma rose? Oh, rose merveilleux butin, ton charme est sans pareil. Rose éclose au feu du matin, cueillie dans le soir vermeil. Un cher baiser tressa en toi, mon cœur t'engage à jamais ma voix. Rose d'espoir,